Selon Yonhap News de Corée du Sud, les bellicistes sud-coréens ont livré le 26 sur la mer de l'Est de Corée. Les exercices de tir des engins téléguidés destinés à nous frapper. Ils ont tiré un grand nombre de bombes réelles de la mer, de l'air et de la terre sur les cibles maritimes imaginaires et prétendent que cela vise le renforcement de la capacité d'opération conjointe, de la tactique par étapes, de l'application du système d'armement.